بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، je suis encore heureux de vous retrouver dans cette matinée du dimanche 9 Safar de l'année de l'Hégire 1439, correspondant au 29 octobre 2017, afin de lire ensemble le livre de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec le commentaire de l'éminent savant, un des plus grands savants de notre époque, Cheikh Al-Allama Muhammad Aman Al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Sunna. On s'était rendu à la troisième règle de ce livre. Dans laquelle l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Donc dans cette troisième règle, l'imam rahimahullah dit que le prophète عليه الصلاة والسلام est apparu chez des gens dont les cultes divergeaient. Il y en avait qui adoraient les anges, d'autres les prophètes, et d'autres les pieux, d'autres les pierres et les arbres, et d'autres le soleil et la lune. Mais malgré cela, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a combattus tous sans distinction entre eux. Ceci est dit dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans son sens approché, dans son sens approximatif, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. Cheikh Mohammed Amar rahimahullah a dit dans son commentaire: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام est apparu chez des gens dont les cultes divergeaient. منهم من يعبد الصالحين لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة غير الله سواء من الصالحين أو غير الصالحين. Et parmi eux, il y en avait qui adoraient les vertueux. C'est pour cela que notre prophète alayhi salatu wassalam a interdit l'adoration de toute chose en dehors d'Allah Azza wa Jal, que ce soit parmi les vertueux ou parmi les pervers, que ce soit parmi les pieux ou parmi les déviants. Ceci est interdit de la même manière. Et ça, mes frères, c'est très très important. Ce point est très important. Car Shubha de Shaitan, quand il fait tomber des gens qui veulent le bien et qui veulent la vérité et qui ont une bonne intention, il les fait tomber dans le shirk avec la Shubha est avec cette ambiguïté qui est que ce sont des gens très vertueux, très pieux, qui ont un statut très élevé auprès d'Allah Azza wa Jal. Et donc, yani, ils seront des intermédiaires entre nous et Allah. Tellement ils ont un degré élevé auprès d'Allah. Contrairement à si tu t'adressais toi-même à Allah. Toi, tu as des péchés. Toi, tu es négligent. Toi, tu es rempli de défauts. Donc, si tu passes par eux, ça va être plus simple. Et ça va être meilleur. Et ça te permettra d'accéder à l'agrément et la satisfaction d'Allah Azzawajal. Ils ont comparé Allah Azzawajal au roi de la terre. Tu ne peux accéder chez eux et espérer l'exaucement de ta demande et de ta requête que quand tu as un intermédiaire. Et plus cet intermédiaire a de statut auprès de ce roi, plus il y a de chances que tu vois ta demande exaucée. Mais ça, c'est complètement faux et ça, c'est un égarement. Ici, nous avons vu que ce soit ceux qui sont invoqués et adorés en dehors d'Allah, que ce soit des vertueux ou des pervers et des déviants, c'est la même chose. C'est le droit d'Allah qui est accordé à une de ses créatures. C'est le droit d'Allah qui est accordé et voué à une de ses créatures. Et ça, ça fait sortir de l'islam. Sans regarder la quantité de l'adoration que tu as vouée. Et sans regarder celui qui est adoré en dehors d'Allah. Car tout, c'est du shirk. Et le minimum que tu puisses imaginer de shirk majeur, ça fait sortir de l'islam. Et ça fait de cette personne un kafir voué éternellement au feu de l'enfer. Donc ça, c'est un détail qu'il ne faut pas négliger. Et c'est un point qu'il faut bien retenir. Car la plupart de l'égarement à ce niveau-là, ça vient de cette shubha de Iblis. L'exagération au sujet des vertueux. Ensuite, il a dit, rahimallah, je ferme cette parenthèse, il a dit, rahimallah, Cheikh Mohamed Aman, qu'Allah lui fasse miséricorde. Wa hama hima at-tawhid منذ بعثته حتى آخر أيامه حتى آخر أيامه في الدنيا بل نهى عن بعض الألفاظ التي قد تشكل على العوام وتلبس عليهم أو توقعهم فيما هو أعلى منها. C'est pour ça que notre prophète عليه الصلاة والسلام depuis qu'Allah عز وجل l'a envoyé, depuis qu'il a été dépêché عليه الصلاة والسلام jusqu'à la fin de ses jours dans ce bas monde, il n'a cessé de préserver le tawhid et de le protéger et de fermer toutes les portes qui puissent mener vers l'associationnisme. Et c'est pour cela, il dit, rahimallah, qu'il a interdit des termes, il a interdit de parler avec des paroles qui peuvent représenter une source d'ambiguïté pour le commun des musulmans, ou les faire tomber dans ce qui est pire. Dans ce qui est pire. Donc des paroles qui admettent un bon sens, mais qui peuvent laisser entendre également un mauvais sens. Ou des paroles qui sont dangereuses, et ça peut mener vers ce qui est plus grave encore. Donc tout ça, le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et à protéger le tawhid de tout ce qui peut le tacher. Et ici des exemples, il dit rahimallah, wa min dhalika inkaruhu ala man yaqul ya sayyidana wa huwa sayyidun nas wa sayyid walad adam wa ma'a dhalika indama qala lahu qa'ilun fi ma'rid al-mubalaghati wal-itra ya Muhammad ya khayrana wa ibn khayrina ويا سيدنا وابن سيدنا فقال قولوا بقولكم ولا يستجركم الشيطان. Dans une autre version, ولا يستهوينكم وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ Dans une autre encore. Dans celle-là que le Cheikh a cité, وَلَا يَسْتَجِرُكُمُ الشَّيْطَانُ أَوْ الشَّيَاطِينَ نَهَا عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَةِ الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ. Donc, il dit, rahimahullah, c'est pour ça que notre prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a blâmé celui qui lui a dit, Ya Sayyidana, ô notre maître, et le Nabi, alayhi salam, il est le maître des fils d'Adam, il est le maître des gens, sans aucun doute, comme il a informé lui-même de sa personne, il a dit, alayhi salam, Ana Sayyid Waladi Adam Wala Fakhr. Je suis le maître des fils de Adam. Mais malgré ça, il a blâmé celui qui lui a dit à Sayyidana. Quand il lui a dit ça, dans un contexte d'éloge et d'exagération dans l'éloge. Et il lui a répondu en disant, ce sahabi, il a dit, يا محمد يا خيرنا وابن خيرنا il a dit oh Muhammad oh le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous oh notre maître et le fils de notre maître Nabi عليه السلام lui a dit parlez dites ce que vous avez dit mais que le shaitan ne vous conduit pas ou dans un autre sens ou que le shaitan, ne suivez pas le shaitan. Et ne suivez pas le shaitan. C'est-à-dire, dites, parlez avec des paroles, sans tomber dans l'exagération. Sans tomber dans l'exagération, et ainsi vous aurez suivi le shaitan. Naha an dhalika wa qal, il a interdit cela, il a dit également, je suis Muhammad. Le serviteur d'Allah et son messager, je n'aimerais pas que vous m'élevez au-dessus du statut qu'Allah m'a accordé. Je n'aimerais pas que vous m'élevez au-dessus du statut qu'Allah m'a accordé. ولما قال له احد الصحابه ما شاء الله وشئت نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد في النهي فقال اجعلتني لله ندا والمسألة واضحة ليس في ذلك نفي للمشيئة فرسول الله صلى الله عليه وسلم له مشيئة وجميع العباد لهم مشيئة إلا أنه لما عطف مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيئة الله تعالى بالواو والتي هي لمطلق الجمع نهى عن ذلك ودله على الصواب وهو أن يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. Également, quand quelqu'un parmi les sahaba, radiyallahu anhum tous, il lui a dit, « Ma sha Allahu wa shi'it » ce que Allah veut et ce que tu veux. Nabi alayhi sallallahu alayhi lui a interdit de dire cela et l'a blâmé fortement jusqu'au point où il lui a dit, « T'as fait de moi un égal à Allah, t'as fait de moi un égal à Allah. » Écoutez bien ce que le Nabi alayhi salam a dit à quelqu'un qui dit ma sha Allahu wa shi'it. Et comme il explique Cheikh Mohamed Aman, hafidhahu rahimahullah, il dit cette question est claire. Ce sahabi qui a dit ce que Allah veut et ce que tu veux, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu nier la volonté d'Allah Azzawajal. Il n'a pas voulu nier la volonté d'Allah Azzawajal. Mais, il parlait de la volonté du prophète, alayhi salatu wassalam. Et sans aucun doute, les serviteurs ont une volonté. Le messager, alayhi salatu wassalam, a une volonté. Et les serviteurs, tous, ils ont une volonté. Mais quand il a annexé la volonté d'Allah Azza wa Jal à la volonté du messager alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire la volonté d'une créature, avec le waou et. Le waou en arabe, et quand on dit, un exemple, j'ai lu tel livre et tel autre livre. Ça signifie que tu as lu les deux. Et ça laisse entendre que les deux en même temps. Comme si tu as mis les choses au même point d'estal. Comme si tu as égalisé les deux. Donc le waouh, ça signifie cela. C'est pour ça que Nabi Isa al-Salam, il lui a recommandé ce qui est meilleur et ce qui ne laisse aucune ambiguïté. Il lui a dit, dans un hadith, il a dit, dites ce que Allah veut seul. Dites ce que Allah veut seul. Et dans un autre hadith, il a dit, dites ce que Allah veut, ensuite ce que tu veux. Pas wa, mais thumma. Car thumma en arabe, ça signifie une partie du sens de wa. C'est-à-dire que les deux sont faits. Par exemple, si on parle de faire deux actes. Les deux actes sont faits, mais pas en même temps. L'un après l'autre. Donc, thumma, en plus de l'annexion, yani, ça contient le sens, ce qu'on appelle en arabe, de tarahi, qui a un ordre. Amma, par contre, wa, il n'y a pas d'ordre. Dans wa, il n'y a pas le sens de l'ordre. Quand tu dis, j'ai lu le Coran et j'ai prié deux rak'at, ça ne veut pas dire que tu as fait ces choses-là, ces deux actes, l'une après l'autre. Quand tu dis, j'ai lu le Coran et j'ai prié deux rak'at. Ça peut être les deux rak'at d'abord, et ensuite la lecture du Coran. Il n'y a rien qui empêche ce sens-là. Et ça peut être le Coran d'abord, et ensuite les deux rak'at. Et ça peut être des choses qui ont été faites en même temps. Par contre, quand tu dis, j'ai lu le Coran, thumma, ensuite, j'ai fait deux rak'at, ça veut dire que tu as fait les deux. Donc ce sens, il est commun entre wa et thumma. Mais thumma, elle se distingue par un classement, un ordre. Ça veut dire que tu as fait la lecture du Coran et ensuite tu as fait les deux rak'at. C'est pour ça que Nabi alayhi salam il a dit de dire ma sha Allahu thumma shi't ou de dire ma sha Allah seul. Wa amma ghayru as-salihin fayashmalu al-jamadat fayashmalu al-jamadat wal-hayawanat لأنها لا توصف بالصلاح ولا بغير الصلاح وتشمل الشياطين والذين يعبدون الكهوف والذين يعبدون الجن والأشجار والأحجار في واقعهم إنما يعبدون الشياطين التي تزين لهم تلك العبادة الكل واحد بهذا الاعتبار. Donc ça c'est par rapport à l'adoration des pieux et des vertueux. Par contre, les non-vertueux et les non-pieux, ça englobe les objets et les choses. Et ça englobe également les animaux. Car toutes ces choses-là, que ce soit des objets et des animaux, on ne les décrit pas comme étant pieux. C'est pour ça les non-pieux et les non-vertueux, ça englobe tout ça. Et ça englobe également les chayatines. Et ça englobe ceux qui adorent les grottes. Et ceux qui adorent les djinns. Et ceux qui adorent les arbres. Et ceux qui adorent les pierres. Tout cela en réalité, ils adorent chayatines. Ils adorent chayatines. Car c'est les chayatines qui leur ont embelli l'adoration de ces choses. Et donc, vu de ce point, toutes ces adorations vouées à autre qu'Allah, yani, est la même chose. C'est du shirk. Vu de ce point, c'est du shirk. Celui qui adore les pieux, celui qui adore les non-pieux, c'est du shirk, car c'est une adoration de shaitan en réalité. Comme Allah dit dans Sourate Yassin, « ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. Ne vous ai-je pas recommandé aux fils d'Adam de ne pas adorer le shaitan. Les savants dans le tafsir, ils disent, toute adoration vouée à autre qu'Allah, c'est l'adoration de shaitan. Pourquoi? Car c'est shaitan qui a ordonné cette adoration. C'est shaitan qui a appelé à cette adoration. C'est shaitan qui a embelli cette adoration. Et ça, c'est connu en arabe. Quand quelqu'un, il montre un bien ou un mal, même si c'est pas lui qui le fait directement, mais il le montre à quelqu'un d'autre, que ce soit un bien ou un mal, on dit qu'il l'a fait. C'est pour ça que celui qui indique une bidée, il a la même récompense que celui qui l'a fait. Et celui qui indique un égarement, al-iyadu billah, de la même manière, il a le même châtiment et les mêmes péchés que celui qui a fait directement la chose. ونحن نقول لا فرق بين الصالحين وبين غير الصالحين من جهة صرف العبادة لهم فالصالحون من أولياء الله تعالى لهم مكانة عند الله ولكن لا فرق بينهم باعتبار صرف العبادة لهم لأن الكل لا يستحق العبادة الصالح وغير الصالح من نبي أو ولي أو ملك كلهم لا يستحقون العبادة إلى دي رحمه الله nous disons qu'il n'y a pas de différence et de distinction entre l'adoration des vertueux et des non-vertueux. Car dans l'adoration des deux, il y a une adoration qui est vouée à autre qu'Allah. Donc les vertueux, ce sont des alliés d'Allah. Ils ont un statut auprès d'Allah. Mais il n'y a aucune distinction entre leur adoration et l'adoration des non-vertueux. Car tous, que ce soit les vertueux ou les non-vertueux, tous, ils ne méritent pas l'adoration. Que ce soit un prophète, un allié d'Allah, un ange, tous, ils ne méritent pas l'adoration. ودليل الشمس والقمر ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Dans le sens approximatif de ce verset, et la preuve concernant le soleil et la lune, c'est-à-dire l'adoration du soleil et de la lune, et l'interdiction de cela, se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens approximatif. Parmi ces merveilles, il y a la nuit, le jour et le soleil. Yani l'ayat, ça peut se traduire par les preuves évidentes et les signes irréfutables d'Allah Azza wa Jal, que ce soit les signes lus, c'est-à-dire les versets du Coran, ou les signes vus, à savoir toute la création d'Allah Azza wa Jal. Tout ça, ce sont des preuves et des signes sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Parmi ces merveilles, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Si vous adorez Allah réellement, alors adorez-le seul et n'adorez aucune de ses créatures. Il dit, rahimahullah, Cheikh Mohamed Aman, dans le commentaire, il dit, ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله الكونية الدالة على وجود الله تعالى وعلى قدرته وإرادته وعلمه وكثير من صفاته الفعلية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر من يتدبر ويتفكر في هذه المخلوقات يعلم تماما أن لها خالقا قادرا عليما حكيما. Donc parmi les signes et les preuves universelles qui démontrent l'existence d'Allah et qui sont des preuves sur son, sur sa puissance, sur sa volonté, sur sa science et sur beaucoup de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Parmi ses signes et ses merveilles, le jour, la nuit et le jour, le soleil et la lune. ومن يتدبر ويتفكر في هذه المخلوقات يعلم تماما أن لها خالقا قادرا عليما حكيما. Et celui qui médite au sujet de ses créatures, il sait d'une manière sûre que ces créatures ont sans aucun doute, ont très certainement un créateur qui est capable et qui est omniscient et qui est sage par excellence. La tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Ne vous prosternez pas devant le soleil et la lune et prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Li'anna hadhihi al-ashya' makhluqat. والمخلوق لا يستحق العبادة مهما عظم في نظر العالم. Car ces choses-là, ce sont des créatures. Et la créature ne mérite jamais l'adoration, comme bien même elle prend de l'importance aux yeux du monde, aux yeux des gens. إن كنتم إياه تعبدون. وَأَمَّا إِن كُنْتُمْ مُشْرِكِينَ فَدِينُكُمْ بَاطِلٌ لَكِنَّ كُلَّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَكِنْ كُلُّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Si vous adorez Allah réellement, alors ne vous prosternez pas devant ces créatures. Par contre, si vous êtes des associateurs, alors votre religion est caduque et fausse. Mais toute personne voulant adorer Allah ne doit pas se prosterner devant ces choses-là. النهي عن السجود للشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من المخلوقات يشمل النهي عن السجود لأي مخلوق كائنا من كان فيشمل صرف أي عبادة لها ولو كان من غير سجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه ولكن لا سجود إلا لله. Donc il dit رحمه الله que l'interdiction de se prosterner pour le soleil et pour la lune et pour le jour et pour la nuit et pour le reste des créatures, ça englobe l'interdiction de se prosterner devant toute créature, quelle que soit cette créature. Et donc ça, c'est juste à titre d'exemple, mais l'interdiction englobe toutes les créatures. Et ça englobe également, d'un autre point de vue, l'interdiction de toute forme d'adoration pour autre qu'Allah. Et également la prosternation, c'est cité à titre d'exemple comme adoration. Mais sinon l'interdiction englobe toute adoration à toute autre qu'Allah, à toute créature en dehors d'Allah Azzawajal. Donc toute l'adoration, sans exception, c'est le droit d'Allah seul et exclusivement. Nabi alayhi sallam a dit, dans le sens de ce hadith, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son époux. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah. Cheikh Mohamed Aman dit, se prosterner devant son époux, car son droit est immense, le droit de l'époux sur l'épouse. le droit de l'époux sur l'épouse est immense. Yani, comme vous savez, entre parenthèses, le droit de l'épouse sur la femme est plus grand que le droit de son père sur elle après son mariage. Est plus grand que le droit de ses deux parents sur elle après son mariage. Donc, malgré l'importance de ce droit, malgré son immensité, mais la femme ne doit pas quand même se prosterner devant le mari. Car la prosternation, c'est le droit d'Allah seul. مهما يكون الإنسان حقه عظيما كحق الزوج على الزوجة لا يستحق أن يسجد له فلا أحد يستحق السجود له غير فلا أحد يستحق السجود له غير الله عز غير الله تعالى فلا أحد يستحق السجود له غير الله عز وجل وعلى هذا الذين يسجدون على عتبة الشيخ ويتوجهون إلى القبور ويسجدون بدعوى تعظيم ومحبة الصالحين وينكرون أن يكون ذلك عبادة ويقولون أن ذلك السجود ليس عبادة أو ليس بعبادة ولكن تعظيم للشيخ ومحبة لأولياء الله هؤلاء يغالطون أنفسهم قبل أن يغالطوا غيرهم وما أكثر المغالطين في هذا الوقت والله المستعان. Donc comme bien même le droit d'une personne est immense et grand, tel que le droit de l'époux sur son épouse, il ne mérite pas la prosternation. Personne ne mérite qu'on se prosterne devant lui. Et c'est pour cela, ceux qui se prosternent devant la porte du cheikh, la porte de sa maison, yani l'ataba, c'est, yani, ça désigne, yani, ce qui est devant la porte. Mais ça peut être utilisé pour désigner également la porte. Donc ceux qui se prosternent devant la porte de la maison de leur cheikh, c'est-à-dire leur cheikh de tariqa. Et ceux qui s'orientent vers les tombes, et ils se prosternent devant les tombes sous prétexte qu'ils vénèrent ceux qui sont enterrés parmi les saints et les alliés d'Allah, et sous prétexte également que ceci est une preuve de leur amour pour ces pieux et pour ces alliés d'Allah. Ils réfutent quand tu leur dis que ça c'est une adoration, ils disent non, cette prosternation que nous avons faite, c'est pas une adoration, mais c'est une façon de vénérer le cheikh et de vénérer les alliés d'Allah. Donc cela, il leur dit, Cheikh Rahimallah, il dit, ils mentent à eux-mêmes avant de mentir aux autres. Ils sont leurrés et ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur et ils se trompent. Et combien sont nombreux ceux qui tombent dans cela, Allah musta'an, il dit Rahimallah. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الآية. Dans le sens approximatif de ce verset, il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur anges et prophètes. Donc ça, c'est par rapport à l'adoration des anges. Et par rapport à l'adoration des prophètes, c'est-à-dire son interdiction, dans le sens approximatif du verset, rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi !» Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » Cheikh Mohamed Amar, rahimallah, dans le commentaire, il dit « Et concernant la preuve de l'interdiction de l'adoration des anges, il a cité le verset, ensuite il a dit « Alladhi lam yakun rabban khaliqan raziqa la yastahiqu al-ibada. Alladhi yastahiqu al-ibada huwa al-rabbu al-khaliqu al-murabbi. » Il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur ange et prophète, car celui qui n'est pas un seigneur, créateur, pourvoyeur, il ne mérite pas l'adoration. Celui qui mérite l'adoration, c'est le Seigneur créateur qui accorde à ses serviteurs ses bienfaits. Et concernant la preuve de l'interdiction de l'adoration des prophètes, la parole d'Allah Azza wa Jalla dans son sens approximatif, et rappelle-leur le moment où Allah dit « Ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Donc Allah il lui dit, est-ce que c'est toi qui as dit ça ?« هل أنت قلت ذلك ?» قال سبحانك أنزهك يا رب كل التنزيه. La réponse de Isa alayhi salam, il a dit « Subhanak, gloire et pureté à toi, oh Allah. » C'est-à-dire, oh Allah, je te purifie. La pureté complète et parfaite. « Ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq, al-ibadatu laysat bihaqin li, hatta akula linnasi ubuduni. » Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire, car l'adoration, c'est pas un droit pour moi. C'est pas un droit pour moi d'être adoré, afin que je dise aux gens adorez-moi et que je les appelle à mon adoration. In kuntu qultuhu faqad alimta ya Allah. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Ô Allah, ta'lamu ma fi nafsi, tu sais ce qu'il y a en moi, ce qu'il y a dans mon nafs, c'est-à-dire ce qu'il y a en moi. Li'annaka 'alimun bi dhati as-sudur, car tu connais certes le contenu des poitrines. Wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Et je ne sais pas ce qu'il y a en ton nafs. Notez bien nafs. Yani, quand on dit « et je ne sais pas ce qu'il y a en toi », c'est-à-dire en ton nafs. Nafs est un attribut d'Allah, comme Cheikh va l'expliquer et va montrer l'égarement de l'Asha'ira. « Innaka anta 'allamul ghuyub » car tu es certes le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. زيادة على محل الشاهد وهو عدم عبادة الأنبياء وأن الأنبياء ولو كانوا من أولي العزم ولو كان أشرفهم ولو كان أشرفهم وإمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يستحقون العبادة ولا يرضون بها ومن عبدهم بغير رضاهم وبغير علمهم إنما يعبد الشيطان في الواقع الذي زين له عبادة الأنبياء وهم براء من عبادة من عبدهم. Donc, en plus du verset pour lequel Cheikh nous a cité ce, en plus de la raison pour laquelle Cheikh nous a cité ce verset, qui est l'interdiction de l'adoration des prophètes, et que les prophètes, quand bien même ils font partie des Ouli Azm, Ouli Azm c'est les cinq prophètes, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad, sallallahu alayhim jami'an, ce sont Ouli Azm, les doués de fermeté, et les meilleurs de tous les prophètes, comme bien même, yani, c'est un parmi eux, comme bien même c'est le plus noble, et le maître, et leur guide, et leur imam, et le dernier d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne mérite pas l'adoration. Il n'agrée pas qu'il soit adoré, il ne l'accepte pas, il le déteste. Et au contraire, eux-mêmes, ils étaient envoyés pour l'interdire. Ça, c'est la raison principale et fondamentale pour laquelle Allah a envoyé les prophètes. C'est pour appeler les gens au tawhid et blâmer le shirk. Donc, celui qui les adore sans leur agrément, sans leur acceptation et sans qu'ils le savent, en réalité, il adore Shaitan, car c'est le Shaitan qui lui a embelli cette adoration, l'adoration des prophètes, et eux, ils se désavouent totalement de son adoration, comme on a vu dans la parole de Isa alayhi salam dans le Coran. زيادة على هذا المعنى ففي الآية إثبات النفس لله عز وجل على الرغم من إنكار الأشاعرة أحيانا حيث يتناقضون ويجعلون هذا من باب المشاكلة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Donc en plus de cette raison pour laquelle l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab nous a cité ce verset ici, qui est l'interdiction de l'adoration des prophètes, il y a dans ce verset l'affirmation de l'attribut de nafs. Allah Azza wa Jal est décrit pour avoir une nafs. Et entre parenthèses, comme vous savez, la règle d'or dans ce domaine, tout ce que Allah, par lequel Allah Azza wa Jal, toute chose par laquelle Allah Azza wa Jal s'est décrit, tout attribut par lequel Allah Azza wa Jal s'est décrit dans son livre, ou, yani, par lequel l'a décrit son prophète alayhi salatu wasalam dans sa sunna authentique, nous on l'accepte et on y croit et on sait que c'est un attribut réel d'Allah Azza wa Jal. Mais son comment, on l'ignore. On sait qu'il a un comment, mais on l'ignore et on ne cherche pas à le connaître car ceci est impossible pour nous. Mais on y croit et on sait que on le comprend comme le comprennent les Arabes. Pur, comme ils l'ont compris, Sahaba radiallahu anhum. Et on sait que c'est réel, cet attribut est réel pour Allah. C'est pas une métaphore. C'est pas une métaphore, mais c'est quelque chose de réel. Après le comment, on ne le sait pas et on ne cherche pas à le connaître, mais on sait que c'est réel. Comme ceci a été rapporté de l'imam Malik rahimahullah. Quand il a été interrogé au sujet de l'istiwa, l'établissement d'Allah Azza wa Jal sur son trône de la façon qui convient à sa majesté et sa grandeur. Il a dit l'istiwa est connu, c'est-à-dire les Arabes comprennent ce que ça veut dire istawa. Quand ils lisent le verset, un Arabe comprend. Istawa, ça veut dire il s'est élevé au-dessus de son trône. Il est plus haut que son trône. L'Arabe, dont la nature humaine n'a pas été corrompue, rien que lire ce verset, il comprend. Il le comprend. Donc, c'est pour ça que l'imam Malik, il a dit, al-istiwa ou ma'loum. Wal-kayfu majhoul. Par contre, le comment est ignoré. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas un comment. Ça existe. Et on sait que ce comment, c'est comme, ça convient à Allah Azza wa Jal, à sa majesté, à sa grandeur. Mais nous, on ne le connaît pas. Car on n'a pas vu Allah Azza wa Jal. Et personne ne verra Allah jusqu'à mourir. Et le prophète alayhi salatu wasalam ne nous a pas décrit le comment. Donc il n'y a aucun moyen de le connaître. Donc ici, à titre d'exemple, nafs. Nafs est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Réel. Comme ça convient à Allah et à sa grandeur et sa majesté. et l'Asha'ira qui ont réfuté cet attribut. Ils ont dit c'est pas possible qu'Allah ait une nafs. Car pour eux, dans leur tête, comme ils ont comparé Allah à ses créatures, ils se disent si jamais tu t'affirmes qu'Allah a une nafs, c'est comme si tu la comparais à la créature. Et ça, c'est complètement faux. Et eux-mêmes, l'Asha'ira, ils se contredisent. Ils se contredisent. Car comme vous savez, l'Asha'ira sont entre Al-Sunna ou Al-Jama'a et Al-Jahmiya. Al-Jahmiya, ils ont une règle générale appliquée sur tous les attributs. Ils réfutent tous les attributs sans exception. Donc Al-Mu'tazila et Jahmiya, en quelque sorte, il y a une logique chez eux. Ils réfutent tous les attributs. Ça c'est un égarement évident bien évidemment, mais il y a cette logique, cette règle générale qui s'applique partout chez eux. Et tout ce que Allah, par lequel il s'est décrit dans le Coran, dans la Sunna authentique, ils disent non, c'est pas vrai. Par contre, l'Asha'ira et Al-Sunna d'abord affirment tous les attributs qui nous ont été rapportés dans le Coran ou dans la Sunna authentique de la manière qui convient à la grandeur et la majesté d'Allah. L'Asha'ira, ils ont essayé d'être entre les deux. Ils ont essayé de s'éloigner de l'égarement de l'Mu'tazila et de l'Jahmiya et de se rapprocher de Al-Sunna. Mais ils n'ont pas réussi. C'est pour ça ils se sont contredits dans beaucoup de leurs règles. C'est pour ça, Rouma, ils ne réfutent pas tous les attributs. Ils disent, nous, on affirme 7 attributs. Mais même ces attributs qu'ils affirment, ils ne les affirment pas à la manière de Al-Sunna al-Jama'a. De premier abord, ça peut paraître qu'ils sont comme Al-Sunna al-Jama'a dans ces 7 attributs. Mais celui qui lit en profondeur ce qu'ils disent, il se rend à l'évidence que même par rapport à ses attributs, ils ne sont pas comme Al-Sunna al-Jama'a. Et ils ont considéré nafs ici dans ce verset, comme il a dit Cheikh, il a dit, par rapport au verset, « وَيَجْعَلُونَ هَذَا مِنْ بَابِ الْمُشَاكَلَةِ » Ils disent, Allah s'est décrit par nafs ici, juste parce qu'il a décrit Isa par nafs. C'est comme un style, une similarité dans le contexte. Mais Allah n'a pas de nafs. Même si Allah il dit nafs, nafsi. Et ça, c'est un égarement sans aucun doute. Cheikh il dit, si yani, on admet que ce qu'ils ont dit est vrai, juste par hypothèse, pour leur démontrer encore plus leur égarement. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'autre verset dans lequel Allah Azzawajal dit « وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا » Allah vous met en garde contre lui-même, contre son nafs, c'est-à-dire contre lui-même. Yani, si vous tombez dans ce qui vous a interdit, soyez en garde contre son châtiment. Donc, est-ce qu'ici, il y a une mouchakala comme ils ont dit dans le verset précédent? Bien évidemment que non. دعوى المشاكلة غير واردة فيجب إثبات النفس لله تعالى كما وصف نفسه بالنفس نثبت له ذاتا لورود ذلك في قصتين في صحيح البخاري ونثبت له النفس ونثبت له اليد ونثبت له الوجه نثبت له كل ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله وأمينه محمد صلى الله عليه وسلم وفي إثباتنا لا نبالغ إلى درجة التشبيه والتمثيل لأن يقال نفسه كنفوسنا ويده كأيدينا ووجهه كوجوهنا هذه مبالغة في التشبيه والتمثيل المحرم في شرع الله كذلك لا نسلك طريقة النفاة الذين نفوا الصفات بحجة التنزيه ولكن عقيدتنا دائما وسط بين التشبيه والتمثيل وبين التعطيل والتحريف. Donc il dit que ce qu'ils ont prétendu, concernant nafs d'Allah Azzawajal n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il est obligatoire pour nous d'affirmer l'attribut de nafs pour Allah Azzawajal, comme Allah s'est décrit lui-même par nafs. Et de la même manière, nous lui affirmons une dhat, dhat, c'est-à-dire l'essence. Car ceci a été rapporté dans deux histoires dans l'authentique de l'Bukhari. Nous lui affirmons le nafs, nous lui affirmons al-yad, la main, nous lui affirmons al-wajh, le visage, nous lui affirmons tout ce qu'il s'est affirmé à lui-même, ou ce que son prophète alayhi salam lui a affirmé, qui est son confident sur son message, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce qui a été rapporté, nous y croyons. Nous croyons qu'Allah a une main, qu'Allah a un visage, mais toujours de la manière qui convient à la grandeur et la majesté d'Allah Azzawajal, et le comment, on ne cherche pas à le connaître et on ne le connaît pas. Mais on sait que c'est réel. Allah Azzawajal a réellement une main. Allah Azzawajal a réellement une main. Le comment, Allahu A'lam. Et il n'y a aucun intérêt pour nous à chercher à le connaître. Car s'il y avait un intérêt, Allah Azzawajal ne l'aurait fait savoir dans son livre, dans la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et dans cette affirmation, il faut faire attention. Il a dit, وفي إثباتنا لا نبالغ إلى درجة التشبيه والتمثيل. Et dans notre affirmation, faut pas arriver, يعني, en tombant dans une exagération, arriver à comparer Allah et faire qu'il soit semblable à ses créatures. Nous ne disons pas Allah un nafs comme mon nafs. Allah une main comme notre main. Allah un visage comme notre visage. Ça, c'est une exagération dans l'affirmation qui conduit vers ressembler à Allah Azzawajal, à ses créatures, chose qui est interdite dans notre législation. Donc, nous affirmons les attributs sans comparer Allah à ses créatures. Et d'un autre point de vue, nous ne suivons pas la méthodologie de ceux qui nient et qui réfutent les attributs d'Allah Azzawajal sous prétexte de purifier Allah, de le comparer à ses créatures. Donc, pour résumer, vous avez deux extrêmes. Et Al-Sunna, c'est un juste milieu. Et toujours, dans chaque point de cette religion, vous allez trouver que Al-Sunna wal-Jama'a ont suivi la guidée qui est entre deux égarements, sont un juste milieu entre deux extrémités. Se sont accrochés à une vérité qui est entre deux égarements. En l'occurrence, par rapport aux attributs d'Allah Azzawajal, vous allez trouver qu'il y en a qui ont exagéré dans l'affirmation des attributs d'Allah Azzawajal, au point de comparer Allah aux créatures. Ils ont dit Allah il est comme les créatures. Allah a une main comme la main de la créature. Wal'iyadu billah, ça c'est un égarement. Et de l'autre extrême, Al-Mu'attila, ceux qui ont réfuté et nié les attributs d'Allah, ils disent nous on rejette tous les attributs d'Allah. C'est pas vrai. Car si tu les affirmes, tu vas tomber dans la comparaison d'Allah à ses créatures. Donc, sous prétexte de purifier Allah, de le comparer à ses créatures, ils ont rejeté ses paroles et les paroles de son prophète, alayhi salatu wassalam. Al-Sunna wal-Jama'a, c'est un juste milieu entre ceux qui ont exagéré dans l'affirmation et ceux qui ont nié et réfuté les attributs d'Allah Azzawajal. Voilà, mes frères, par rapport à cette deuxième qaïda, il reste يعني, دليل الصالحين ودليل الأشجار والأحجار et حديث أبي واقد الليثي pour finir avec la quatre règles إن شاء الله Inch'Allah, nous allons finir ce livre dans la séance prochaine, le dimanche prochain, bi'idnillah. Qu'Allah nous le facilite, qu'Allah nous accorde à tous la science bénéfique et profitable, qu'Allah nous accorde une bonne compréhension de notre religion, qu'Allah nous facilite la compréhension de la religion, et qu'Allah nous aide à mettre en pratique ce que nous apprenons, afin que la science soit un argument pour nous et non pas contre nous. Car, ikhwa, la science est un argument pour toi ou contre toi. C'est un argument pour toi si jamais tu la mettais en pratique et t'agissais en fonction de cette science. Et c'est un argument contre toi si tu apprends la science et tu la mets pas en pratique. Donc la science, nous la demandons afin de nous sortir de l'ignorance et afin d'être en conformité avec ce qu'Allah veut de nous dans cette religion. Et la science, nous ne la prenons pas afin de dominer les assises et d'être celui qui est écouté, celui qui est admiré et respecté. Celui qui a cette intention, sa science est contre lui. Wal'iyadu billah. Et la science également, je tiens énormément à le rappeler. La science, l'ilm nafi', la science bénéfique et profitable, ça améliore ton comportement. Ça améliore ton comportement. Et ça t'aide à parfaire ton comportement. Et ça te donne une rahma pour les gens. Car tu sais, quand tu réalises réellement, c'est pas tu parles avec ça pour avoir l'admiration des gens et le respect des gens. Quand tu sais que réellement, par Allah, tu ne seras jamais sauvé sauf si Allah te sauve de l'égarement. Tu ne seras jamais sauvé de shirk sauf si Allah te sauve de shirk et te guide dans tawhid. Tu ne seras jamais sauvé de l'bid'a sauf si Allah te sauve de l'bid'a et te guide dans la sunna. Quand tu sais ça réellement et que tu sais que tu n'as pas été guidé par ton intelligence ou par ta demande de science ou par tes capacités intellectuelles, t'as été guidé par un pur bienfait d'Allah. Par un pur bienfait d'Allah Azzawajal. Quand tu sais ça, t'as un rahma pour les gens. Et t'aimes que les gens soient guidés. Et que tout le monde soit dans ce bien dans lequel Allah t'a guidé. Donc faisons des efforts. Surtout pour nous qui ont grandi dans des sociétés de kufr, de mécréance, où le bon comportement est quasiment absent. Et même ce qui fait partie du bon comportement, c'est considéré dans ces sociétés comme un mauvais comportement. Nous devons faire davantage d'efforts afin d'améliorer notre comportement et afin de parfaire notre comportement. Car comme il a dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, celui qui te dépasse dans le comportement, il te dépasse dans la religion. Celui qui a un meilleur comportement que toi, il a forcément un meilleur niveau dans la religion que toi. Quand bien même toi tu mémorises le Bukhari, tu mémorises Muslim, mais tu as un mauvais comportement. Le Nabi alayhi salatu wa sallam, quand il a été interrogé au sujet de cette femme qui adore Allah beaucoup, qui veille la nuit, qui jeûne le jour, mais qui a un mauvais comportement avec ses voisins. Il a dit quoi, ikhwa? Il a dit, il n'y a aucun bien en elle, elle est en enfer. Il n'y a aucun bien en elle, elle est en enfer. Car le bon comportement, c'est le fruit de cette science. C'est le fruit de ce tawhid. Et quand les savants de la sunna parle du bon comportement, sachez très bien qu'il ne parle pas uniquement du bon comportement avec les créatures. Que beaucoup de gens ne comprennent par le bon comportement que le comportement avec la créature. Le bon comportement, c'est tout d'abord et avant toute chose le bon comportement avec Allah Azza wa Jal. En pratiquant son tawhid à la perfection, en lui vouant l'adoration à lui seul et en mécroyant en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Ça, c'est la pulpe du bon comportement. Et celui qui n'a pas de tawhid, il n'a pas de bon comportement, même s'il est souriant, même s'il est gentil, même s'il est agréable, même s'il est chaleureux, même s'il est accueillant, même s'il est généreux. Il n'a pas de bon comportement. Ensuite vient le deuxième, qui est le comportement avec le messager et la législation. Celui qui ne suit pas sunna, il a une négligence dans son bon comportement. Celui qui tombe dans le bid'a, il n'a pas le bon comportement. Il ne s'est pas comporté avec le Nabi alayhi salam comme il se doit, en se limitant à sa sunna et en s'éloignant de le bid'a, qui contredit la sunna. Et en troisième lieu, vient le comportement avec les créatures. Et ça, ça a son importance, surtout dans le da'wah. Comment quelqu'un qui fait da'wah puisse avoir un mauvais comportement? Quelqu'un qui a le haqq, il fait fuir les gens de le haqq à cause de son mauvais comportement. Attention, mes frères. Du moment que tu te dis salafi, et tu suis manhaj salaf, t'as laissé pousser ta barbe, tu portes le qamis, t'assistes à la prière en groupe, ces choses qui ont l'importance que je ne vais pas vous rappeler ici, dans l'islam. Mais quand tu as fait ces choses-là, les gens te regardent et te prennent en modèle et en exemple, même s'ils ne te le disent pas. Alors fais attention de ne pas les faire fuir de cette sunna vers laquelle Allah t'a guidé et ce haqq dans lequel Allah t'a guidé à cause de ton mauvais comportement et à cause de ta dureté qui n'est pas à sa place. La dureté est louée quand elle est à sa place, mais elle est blâmée quand elle n'est pas à sa place. Et pour nous simplifier la tâche, revenons aux savants. Posons-leur les questions. Qu'est-ce qui est loué ici, dans telle situation? Est-ce la dureté ou la douceur? Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous agissent de leur propre personne et selon leurs propres avis, et ils font leurs propres efforts d'interprétation et de compréhension, et ils agissent. Illa man rahim Allah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et j'ai oublié de rappeler que le fa'ida que j'ai cité, elle est tirée de Madarij al-Salikin, de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, concernant les degrés des règles de politesse et de l'adab et du bon comportement, et que ce sont de 3 degrés, comme je l'ai cité. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.